Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Le temps fort, art et humanité. Nous sommes invités à penser le monde avec CY, Cergy, Paris Université. Et pour en parler avec notre deuxième invité en studio, Anne Herzog, je rappelle, vous êtes maîtresse de conférences en géographie, chercheuse et coordinatrice des séminaires mis en place dans le cadre de Art et Humanité, donc à Point Commun. Alors peut-être avec Chloé Hilbert, rappeler Chloé, l'intérêt, comme on le disait tout à l'heure, il y a des enjeux à développer du partenariat et tout particulièrement celui-ci avec l'université de Cergy-Pontoise, qui dorénavant a changé de nom, CY, Cergy Paris Université. J'espère que j'ai bien prononcé, Anne Herzog. Donc Chloé, peut-être revenir sur les enjeux de ce partenariat, particulièrement pour ce temps fort art et humanité. Oui, comme je le disais en début d'émission, l'un des objectifs d'Art Humanité est de penser le monde ensemble. Et évidemment, pour la scène nationale, il nous paraissait un peu prétentieux de penser le monde avec certes des artistes, mais sans penser à cette richesse universitaire du territoire. Et donc, l'Université de Cergy est apparue comme un partenaire essentiel de ce temps fort. Et ensuite, il y a eu évidemment la rencontre entre Feriel Bakoury, Anne Herzog et Elisabeth Auclair. Et donc, le partenariat qu'on a développé plus particulièrement autour du Master Développement Culturel et Valorisation des patrimoines. Avec l'organisation, la mise en place de ces séminaires, l'organisation également d'une journée d'études fiction documentée, on va en parler. Et là, c'est un autre master de création littéraire et le centre de recherche Agora de l'université. Et rappeler que les étudiants, ils sont plus que invités à se mobiliser sur un tel événement. Oui, alors je laisserai plutôt Anne développer cette partie, mais c'est-à-dire que les séminaires et les spectacles s'inscrivent intégralement dans leur cursus. Alors Anne Herzog, peut-être nous dire un petit peu, puisque là c'est votre deuxième édition à vous aussi. Absolument. Vous aviez participé à la programmation de la première édition, c'était la saison dernière. Alors sur la question, est-ce que les étudiants sont mobilisables et mobilisés sur des événements comme celui-ci, quelle réponse ? Alors, d'abord, moi, ce que je veux préciser, c'est que les étudiants dont il est question ici sont les étudiants de deux promotions, principalement de ce master développement culturel et valorisation des patrimoines, qui est un master de montage de projets culturels, avec une conception du projet culturel que nous désirons vraiment ancrer dans les territoires. Donc, nous essayons de former des étudiants qui soient extrêmement sensibilisés à ce qui se passe, en effet, autour d'eux, dans leur environnement proche, mais aussi plus lointain, dans le monde. Donc il nous semble tout à fait intéressant de répondre à une sollicitation comme celle de Feriel Bakoury, bien évidemment, sachant qu'on a une tradition de séminaires dans le cadre de ce master. On en organise depuis plusieurs années, mais là, évidemment, depuis 2 ans, on lui a donné une toute nouvelle orientation dans le cadre de ce partenariat qui, pour nous, est d'un immense intérêt. Ces séminaires, ils sont tous en prise directe avec les spectacles qui sont programmés à l'occasion de ce temps fort. Absolument. Cette réorientation du séminaire, elle est essentiellement fondée sur ce principe. C'est-à-dire que nous travaillons en amont, des mois en avance, avec l'équipe de Point Commun, ce qui est d'ailleurs un grand plaisir pour nous également, et puis souvent un vrai déplacement dans nos façons de réfléchir et de penser nos thèmes de recherche, même, j'ai envie de dire, et nos méthodologies. Donc nous travaillons des mois en amont et nous réfléchissons à partir de la programmation artistique à inviter des chercheurs autour de thématiques. Alors c'est vrai que la programmation est si riche que chacun des spectacles, on s'en est bien rendu compte, peut donner lieu finalement à des réflexions dans des directions assez différentes. Et donc c'est à travers la discussion avec Point Commun notamment, Chloé Feriel et Angadrem qui fait partie de cette équipe également, c'est à partir de ces discussions qu'on se fixe un thème qui nous paraît plus particulièrement peut-être intéressant à mettre en débat. Et c'est à partir de là que nous invitons des chercheurs en travaillant beaucoup la question de la pluridisciplinarité qui pour est Point Commun, je crois, et pour nous, est vraiment un enjeu majeur. Un mot peut-être à rajouter, Chloé ? Non. Alors, parmi les rendez-vous qui se sont déjà déroulés, mais c'est intéressant pour aller dans le sens de ce que vous venez de nous indiquer, voir effectivement que les sujets sont en prise directe effectivement avec les spectacles. Il y a un sujet qui est complètement dans l'actualité du moment, vers une écologie décoloniale, l'extractivisme et la résistance. Voilà un sujet effectivement qui a été débattu. Là, dans l'esprit, ce n'est pas simplement des chercheurs qui interviennent, ce ne sont pas seulement des enseignants, mais aussi le point de vue des artistes également. Ah, mais absolument. Pour nous, l'un des grands apports et intérêts d'un tel séminaire, finalement hors les murs, si on regarde le point de vue de l'université et des chercheurs, c'est déjà de faire sortir la recherche de l'université, ce qui est pour nous est un enjeu majeur. C'est ensuite, en effet, de faire intervenir à la fois des chercheurs très confirmés, qui peuvent apporter un regard, une réflexion sur des grandes questions de société, mais également de valoriser la jeune recherche. Et ça, ça a été notamment le cas le thème que vous évoquez, extractivisme et écologie décoloniale. L'écologie décoloniale, c'est en effet une notion qui est de plus en plus théorisée aujourd'hui, qui réfère en fait à de nouvelles façons de penser l'écologie en lien avec l'histoire coloniale. Mmh. Et cette notion d'extractivisme fait tout à fait le lien, puisqu'il s'agit, c'est un terme qui désigne l'exploitation industrialisée, industrielle des ressources naturelles dans le monde entier, extrêmement liée non seulement à la diffusion du capitalisme, mais également qui est accompagnée, en fait, ou qui a été sous-tendue par le processus de colonisation dans une très grande partie du monde. Et c'est là qu'on assiste à des désastres, effectivement, concernant ces ressources naturelles. Et les exemples ne manquent pas, effectivement, sur la planète. Autre sujet qui a été débattu récemment aussi, ces derniers jours, fabrique et consommation des images de guerre, l'esthétisation de la violence. Avec, effectivement, l'un de nos invités tout à l'heure, on a pu entendre ce sujet-là. Mais là, pareil, ça permet, effectivement, de recueillir des points de vue, pas seulement des points de vue, qu'il y ait une réflexion, voire peut-être de la confrontation dans les débats même. Oui, tout à fait. Alors, c'est d'ailleurs un séminaire qui a suscité beaucoup de réactions auprès de nos étudiants, et vraiment je vais insister aussi sur l'ouverture de ces séminaires. La question de l'ouverture, c'est à la fois l'ouverture au monde pour nos étudiants, mais ces séminaires étant ouverts, étant publics, c'est aussi des espaces d'échange et de débat. Et en effet, la présentation de Julien Hetzel a suscité une série de réactions très fortes auprès de nos étudiants, parce que ce qui était notamment au cœur de la réflexion, c'est la violence des images. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on est tous confrontés, pas toujours forcément préparés. Et il était extrêmement intéressant, en effet, du coup, d'avoir également le regard sur ce qu'avait présenté l'artiste de d'un des chercheurs invités, qui est sociologue, Sylvain Antichamp, et qui, du coup, a à la fois réagi à la présentation de Julien Hetzel, en théorisant, en apportant, du coup, également beaucoup de... Voilà, une certaine forme de distance ancrée dans des réflexions sociologiques par rapport à l'exposition de la violence, par exemple, ou à la mémoire des violences, qui était aussi au cœur du propos de Julien Hetzel, et qui a à la fois évoqué également ses propres recherches sur des réceptions d'expositions de guerre auprès des publics. Vous voyez, donc c'est à la fois un dialogue réel qui s'établit entre artistes et chercheurs, de points de vue différents, et puis à la fois un apport de la part des chercheurs qui enrichissent considérablement ce qui se dit et ce qui se fait dans cet espace de discussion. Et oui, des images qui semblent aujourd'hui être d'une grande banalité parce qu'elles sont en flux permanent, en flux continu. C'était le propos. Et à tel point que certaines images sont d'une esthétisation extrême et on se demande effectivement si ça n'aide pas effectivement à banaliser l'ensemble de ces images. Absolument. À venir, eh bien, il y a au cours de la semaine un prochain séminaire qui aura lieu ce jeudi 12 mars de 14h à 18h à CY Cergy Paris Université sur le site Saint-Martin, c'est bien ça, Chloé? Tout à fait. Au site Saint-Martin. Là, on vous invite à penser l'effondrement. Et là, en lien avec le spectacle dont il a été question au cours de cette émission également, Borderline Investigation 1. Absolument. Alors, ce qui est très intéressant avec ce séminaire, c'est que l'artiste Frédéric Ferrer est également géographe. Mmh. Et autant nous avons des artistes qui eux-mêmes ont des parcours pluriels, autant nous invitons également des chercheurs qui eux-mêmes peuvent s'exprimer à travers différentes recherches ou différents types de registres, à la fois la recherche scientifique, mais également parfois l'engagement, le militantisme, l'activisme. C'était le cas, par exemple, de la juriste Marine Calmet, qui est intervenue pour le premier séminaire, ou encore Judith Depaul, qui est à la fois chercheuse sur le théâtre, dans le deuxième séminaire avec Julien Hetzel, mais est également directrice de l'atelier des artistes en exil à Paris. Alors pour ce séminaire consacré à l'effondrement, en effet, on a amené une notion qui est celle de collapsologie dans la présentation de ce séminaire, qui est là aussi une notion qui fait considérablement débat, qui renvoie à l'effondrement de la société industrielle, qui est l'une des grandes idées, l'une des grandes hypothèses, notamment défendue par quelqu'un qui s'appelle Pablo Servigne et qui a notamment écrit un ouvrage sur cette question de la collapsologie. Et nous avons donc invité des chercheurs qui discutent et qui vont pour le coup débattre de y a-t-il effondrement ou pas, peut-on théoriser l'effondrement ou non, ce qui est d'ailleurs le propos de Catherine Larère, professeure de philosophie que nous avons invitée pour jeudi, ainsi que Christophe Lorenz, qui est architecte mais aussi spécialiste d'une réflexion sur l'effondrement au sein d'un collectif qui s'appelle Momentum et qui remet tout cela en débat. Eh oui, est-ce que c'est inéluctable, cet effondrement? C'est intéressant de se prononcer, d'abord d'y réfléchir et peut-être ensuite d'agir pour que ça ne soit pas inéluctable. Tout à fait. Autre sujet, danse, corps et genre, esthétique et féminisme, ça sera l'objet du prochain séminaire qui, lui, aura lieu le jeudi 19 mars au Théâtre 95 de 9h30 à 13h. Et là, on est sur des sujets carrément d'actualité, des constructions des imaginaires sociaux, c'est des croyances genrées associées à la danse et donc effectivement là encore d'autres intervenants qui vont générer du débat, de la controverse peut-être. Alors je pense que c'est un séminaire qui va être extrêmement riche. Nous avons 6 intervenants sur scène ce jour-là, les 3 chorégraphes dont vous avez déjà évoqué les spectacles, et les interventions, et puis 3 chercheuses, alors une artiste chercheuse, Anna Jay, qui se présente elle-même à la fois comme autrice, performeuse, mais aussi chercheuse, et notamment qui réfléchit beaucoup aux formes à donner à son militantisme autour également du corps, de la femme notamment. Et puis 2 chercheuses, donc Hélène Marquier, qui est professeure en histoire de l'art et qui, dans ses recherches, s'intéresse à la manière dont la danse peut à la fois reproduire des formes de stéréotypes ou d'inégalités de genre, ou à la fois être vecteur d'émancipation. Et quant à Pauline Boivineau, qui est maîtresse de conférences en art du spectacle, c'est une grande habituée de la critique des spectacles de danse et de la réflexion sur la danse, et particulièrement en lien avec le féminisme. Et donc là, on aura vraiment, je crois, des réflexions, des regards extrêmement intéressants de chercheuses spécialisées dans les questions de genre et de féminisme sur les créations des 3 chorégraphes. Pour ce dernier séminaire, rendez-vous est pris pour le jeudi 19 mars de 9h30 à 13h au Théâtre 95. Alors, il nous faut évoquer avec Chloé Guilbert la journée d'études fiction documentée. C'est sa 2e édition qui aura pour thème les créatrices. Une journée qui va réunir des chercheurs et des écrivains autour de la question du travail, de documentation, avec à l'appui, là encore, la création. Oui, c'est également un partenariat avec l'université, mais cette fois-ci avec un autre master, qui est donc le master de création littéraire. L'idée, en fait, de cette journée, c'est évidemment de voir en quoi la réalité inspire la fiction, et donc d'être vraiment aussi sur la question des processus créatifs en lien avec le travail documentaire. Donc on est aussi dans cette démarche de réunir des artistes et des chercheurs. C'est une journée qui arrivera en clôture du Temps fort Arrêt Humanité. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette journée, nous aurons Sylvia Costa qui intervient, et également Mélanie Perrier, qui est notre artiste en résidence, danse. Le rendez-vous est pris pour cette journée d'études le mercredi 25 mars de 9h30 à 17h30 au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre. Et là, généralement, sur une journée comme ça, ça s'adresse à quel public ? Alors, de la même manière que les séminaires vraiment intitulés Art et Humanité, cette journée est évidemment ouverte aux étudiants du master, mais plus largement à tous les publics. C'est vraiment l'enjeu de ce partenariat.